avait, il y avait, il y avait, il y avait une fois un Indien marié et père de plusieurs petits adultes, à l'exception du dernier né qui s'appelait Azaré. Un jour, cet Indien était à la chasse. Les frères. Thank you.